violence conjugale, bonjour. Je vous écoute. Je m'excuse de vous déranger, mais je suis battue. Je vous appelle. Mon mari m'interdit de manger. Parce que mon concubin a frappé plus que d'habitude. Car je ne travaille pas. Je ne suis pas battue à mort. C'est un monsieur qui vous appelle. Je suis avec un monsieur violent qui a de grandes qualités. J'ai un petit problème, comme beaucoup de femmes. J'ai un mari que j'aimais et que j'admirais. Maintenant, j'ai honte de partout. Liv écoute, d'Alice Buteau. Épisode 2. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars. When it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel. T'en veux une ? Non, merci. Non. Tu devrais pas, tu sais. C'est vraiment pas bon pour ta santé. Quand je fume, c'est comme si je voyageais. Je fume parce que... Il y a mille raisons d'arrêter. Je veux dire, il n'y en a aucune vraiment défendable de continuer. Mais je fume peut-être parce que ça n'a pas de sens. Ouais. C'est juste une addiction. Jean m'a dit que t'écrivais. Je suis un vieux cendrier qu'on n'a jamais vidé. T'es rigolote. Non, je suis assistante médicale. J'aide un peu dans une assos. Voilà. Je passe ma vie au téléphone. Ouais, j'aime pas le téléphone. Mais j'aime beaucoup tes hanches. Non, j'écris aussi des pièces de théâtre qui ne seront jamais montées. Ah ouais, parle de quoi ? Qui ? Bah, ta prochaine pièce, ça parle de quoi ? Ah, je sais jamais trop à l'avance. C'est en écrivant que l'histoire vient, au fur et à mesure. J'ai une idée de départ, mais c'est jamais la même à l'arrivée. Ce sera sûrement l'histoire d'une femme. J'imaginais qu'elle pourrait jeter beaucoup de choses. Enfin, à partir d'un certain moment, un jour, se mettre à jeter. Et petit à petit, sans s'en apercevoir, elle ne ferait plus que ça, de manière compulsive et très organisée, avec méticulosité. Méticulosité. Six petites truites cuites, six petites truites crues. Si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Dis-moi, gros gras grand grain d'orge, quand te dégros gras grand grain d'orgeras-tu ? Je me dégros gras grand grain d'orgerai quand tous les gros gras grand grain d'orge se dégros gras grand grain d'orgeront. Waouh, tu articules bien. Merci beaucoup. Je t'ai coupé. Tu disais que la femme se mettrait à tout jeter méticuleusement. Oui, comme un travail. Enfin, sans savoir pourquoi elle le fait. Elle jetterait, et un jour, après pas mal de temps, elle n'aurait plus rien à jeter, alors elle se jetterait par la fenêtre. Ah ouais. Enfin, je dis ça, mais bon, ce sera sûrement pas ça. Donc... T'as une arme ? Oui, bien sûr. Ouais. Mais t'as déjà tiré sur quelqu'un ? Tu sais, c'est beaucoup plus logique que ce qu'on croit, la mort. On a fait tout un plat, mais il n'y a pas tant de mystère. Tiens, aux États-Unis, en 4 injections, c'est réglé. Tu me passes un peu de la couverture ? Viens dans mes bras. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai fait mal ? Non, partout. J'ai cru voir... Qu'est-ce que t'as cru voir ? Une souris. C'est la grosse bête qui a peur de la petite ? Ben, merci, je sais pas ce qui est le plus sympa, grosse ou bête. Vous êtes en état d'arrestation, mademoiselle, pour susceptibilité et outrage à agent de la force publique. Vous avez le droit de garder le silence, de m'embrasser, de tout ce que vous direz pour être retenu contre vous devant un tribunal. Aïe, ton bras, tu peux bouger un peu ton bras ? Ouais, pardon. Bien, tu peux poser ta tête là, si tu veux. Attends, je vais juste passer mon coude comme ça. Ah, voilà. T'es bien ? Oui, oui. Et toi ? Tu me plais. Ah oui. Merci. Tu sais comment ça fonctionne, la mort aux rats ? La mort aux rats ? Non. T'es un anticoagulant. Ça rentre dans l'organisme de la souris et elle explose de l'intérieur. Elle meurt en quelques jours d'hémorragie. T'es inhumain, non ? J'aimerais bien être une petite souris pour voir comment ça se passe dans ton commissariat. Bah viens ! Je t'attacherai dans le hall, tu pourras tout voir. Ouais. Mais tu me menotterais dans le hall? Ouais. Un banc. Pour un délimineur, je sais pas, un vol à l'étalage ou une histoire de shit. Tu t'occupes des affaires de violence conjugale dans ton commissariat? Ça m'arrive, ouais. Les affaires familiales, on en fait tous. Je suis au flagrant délit, mais dans la mesure où ce sont des plaintes qui sont prises. Comment ça? On va pas tout de suite les réorienter vers un service différent. Par remarque, il arrive que les faits aient été commis dans les dernières 24 heures aussi. La nana débarque, elle a réussi à s'extraire des griffes de son mec. Elle a la tronche comme un compteur à gaz. On voit bien qu'elle vient d'être violentée. Mais bon, en 80% des cas, c'est de la merde. Pourquoi? La dénonciation, elle n'est pas vraiment fondée. La nana, elle n'est pas réellement victime. Le mec n'est pas tout blanc, mais elle non plus, tu vois ce que je veux dire? Le plus souvent, c'est des instances de divorce. Chacun se dispute la garde des enfants. C'est au premier qui ira déposer sa plainte. Il y a plein d'affaires comme ça. C'est la course à la plainte. Mais vous êtes formé pour ça? Pour recevoir ces plaintes? Oh non, pas du tout, non. On peut pas être formé pour toutes les variétés de misères que la vie humaine peut t'offrir. Toi, j'ai une idée. Ah merde, elles sont où? Allez, voilà. Ça te plairait que je te menotte au lit? Non, j'ai pas très envie, non. Ah. Bon. Une autre fois? Ouais, on verra. T'es fâché? Non. C'est drôle, quand on dit non, j'entends toujours oui. Et quand on dit oui, j'entends toujours non. Non? Ouais, c'est drôle. Viens sur la couverture. T'es fâché, toi? Non. Si t'es fâché. Un petit peu déçu. Tu vois que t'es fâché. C'était Liv Écoute, d'Alice Buteau. Avec Marie Dompnier, Liv, Benjamin Egner, Pierre. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigou, Yannick Magnin. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Sophie Haute-Picon.